إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre dars et on est au cours numéro 13 aujourd'hui dans le livre Al-Adillatu al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya et on parle bien sûr des méfaits de la démocratie dans ce cours. On est arrivé au dernier point parmi les méfaits de la démocratie. C'est le dernier point qu'on mentionne aujourd'hui et qu'on va lire aujourd'hui. De même que les résultats ou la conclusion, ou bien qu'est-ce que c'est les conséquences finales de la démocratie lorsqu'elle est appliquée dans les pays musulmans. Une petite réflexion à ce sujet-là. Puis ensuite, on commencera tout de suite après, immédiatement après, Inch'Allah, qu'est-ce qui a rapport avec les shubuhat qui sont mentionnés de façon globale ou de façon, disons, plus générale, les différentes shubuhat qui sont mentionnées par les gens qui appellent ou qui invitent les musulmans à participer aux élections et à accepter le système démocratique et qui essaie de prétendre que la démocratie est acceptable en islam. Donc, on va commencer tout de suite, Inch'Allah, avec le point 31, c'est tabanni mabda al-hurriya al-shakhsiya hurriya al-akhlaq. C'est-à-dire que parmi les méfaits de la démocratie, il y a que les gens doivent accepter comme principe, dans leur façon de penser, la liberté individuelle. Parce que c'est une partie intégrale de la démocratie et du système démocratique. Donc, parmi les choses qui font partie des méfaits de la démocratie, c'est justement de devoir accepter ce principe-là qui est totalement opposé au fondement de l'islam et au principe de l'islam, du fait de croire que chaque individu est libre de penser, de croire et d'agir en ce qu'il veut. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que c'est contraire à l'islam. Hein? Et on va lire un petit passage de, on va lire le passage que le cheikh a mentionné, des paroles du cheikh Mohamed Aman Al-Jami, puis au fur et à mesure, Inch'Allah, si jamais c'est possible, on va faire des commentaires au sujet de ces paroles-là. Donc le cheikh, dans un des livres qu'il a écrit au sujet de la démocratie, le cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a parlé de ça, et donc le cheikh Hassan ibn Qasim Al-Raymi, il cite les paroles du cheikh محمد أمان إلزي. قال الشيخنا محمد أمان الجامي: وأما حرية الأخلاق فهي من الحريات التي أجمع عليها الغرب والشرق معا، أعني أن كفار الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم في الغرب في بعض الحريات، ولا سيما ما يتعلق بالمال، ولكنهم يتفقون معهم في حرية الأخلاق دون قيد أو شرط، إذ يقررون جميعا أنه يجوز للمرء أن يقضي وطره من أي امرأة شاء حيثما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مختار، هذا هاشم، un frère qui était à Montréal avant, puis il était à Toronto maintenant. نعم. Non, mashallah. Non. Donc le cheikh il dit, ishtirakiyin, la siyama ma yata'allaqu, non, ça c'est pour les gens riches, ici dans cette maison, l'argent est par terre partout. Masha'Allah. La baraka. Non. Donc, non. Donc, je continue, Inch'Allah. Le Cheikh dit ensuite, donc, يعني أن كفار الشر من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم في الغرب في بعض الحريات ولا سيما ما يتعلق بالمال ولكنهم يتفقون معهم في حرية الأخلاق دون قيد أو شرط إذ يقررون جميعا أنه يجوز للمرء أن يقضي وطره من أي امرأة شاء حيثما تيسر له ذلك في الأماكن العامة أو المنازل الخاصة ما لم يغصبها وفي حال اغتصابها فلا بد للسلطة القضائية أن تتدخل في القضية لأن الشخص المغتصب يعتبر مجرما ومذنبا لمخالفته للقانون حيث ارتكب جريمة الاغتصاب لا جريمة الزنا لأن فاحشة الزنا ليست جريمة في حد ذاتها في ذلك النظام المجرم وإنما الجريمة الاغتصاب. Donc la parole du Cheikh Mohamed Aman, c'est juste pour nous donner un exemple de ce genre de liberté individuelle qui est prônée dans la démocratie et dans le système démocratique. Le Cheikh Mohamed Aman, il dit dans le livre L'Al-Jazeera Al-Arabiya Khususiya, il dit أما حرية الأخلاق, en ce qui concerne la liberté du comportement ou la liberté d'agir dans la démocratie, c'est une des libertés sur lesquelles tous les Occidentaux ou même les Orientaux se sont mis d'accord. Quand on dit les Orientaux et les Occidentaux, de qui le Cheikh veut parler? Il parle des Occidentaux, c'est-à-dire ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont à l'Ouest, et les Orientaux, c'est-à-dire ceux qui sont à l'Ouest, ceux qui sont à l'Est, pardon, mais comme par exemple par rapport aux communistes, puis par rapport aux capitalistes, tu vois. Les communistes sont à l'Est, puis les démocrates sont à l'Ouest. Hein? Donc, quand le chef il passe de l'Est et de l'Ouest, c'est ça qu'il veut dire. De cette façon de diviser le monde. Et peu importe que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, ce sont des koufars, yani, dans le sens que ce sont soit des communistes ou soit des démocrates, capitalistes ou autres. Donc, il dit peut-être qu'entre ces deux groupes-là, il y a des divergences en ce qui concerne qu'est-ce qui a rapport avec l'argent, la séparation et la distribution des biens entre les individus de la société. Là-dessus, peut-être qu'ils ont des conflits et des désaccords. Hein, donc, là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Mais sur la question de liberté de comportement et la liberté individuelle, ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont tous d'accord que quelqu'un est libre d'agir sans aucune limite et aucune limitation en ce qui a trait à la morale et à la foi et à la religion dans leur comportement, tant que ce n'est pas en contradiction avec la loi. Avec la loi qu'ils ont inventée eux-mêmes. Donc le Cheikh il donne un exemple en ce qui concerne ce sujet-là, il dit qu'ils sont tous d'accord, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, ils sont tous d'accord qu'il est permis pour un homme de satisfaire ses désirs sexuels avec n'importe quelle femme qu'il désire, que ce soit dans des endroits publics ou dans des maisons closes ou fermées, tant qu'il ne la viole pas. Tant qu'il n'a pas violé cette femme, il croit que c'est permis pour lui de satisfaire avec elle ses désirs sexuels. Et du moment que, si par exemple il la viole, alors là, dans ce cas-là, as-sulta al-qadaiya, ça veut dire le pouvoir législatif, dans ce cas-là, va s'ingérer dans l'affaire et ils vont trancher dans la question, justement pour punir la personne qui mérite d'être punie si c'est un violeur, parce que pour eux, la personne qui a commis un viol est un criminel, est un pécheur, non pas parce qu'il a commis le zina, mais uniquement parce qu'il a violé, c'est-à-dire il a eu des rapports sexuels avec une femme sans son consentement. Donc pour eux, le péché, c'est pas d'avoir eu un rapport sexuel en dehors du mariage, mais c'est d'avoir eu des rapports sexuels sans le consentement de la personne avec qui il l'a eu. Hein? Donc ça c'est dans leur système et dans leur loi. C'est que pour eux, il n'y a aucune limite morale, aucune limite religieuse dans le comportement des individus qui est interdit. Tu peux agir, penser, croire, comme tu veux, sans tenir compte de la croyance ou de la religion. D'accord? Et donc le cheikh il explique que ça c'est donc le fait de faire le zina, c'est quelque chose qui est accepté pour eux et c'est pas considéré comme un crime. Et donc ça c'est dans ce système criminel, et bien on accepte dans ce système criminel justement le crime du zina, mais on n'accepte pas soi-disant le viol. Donc ça c'est un des exemples comment ce système-là est en contradiction avec l'islam. قلت هذه مفاسد رأيت أن أبينها بشيء من التفصيل مستفادة من أهل العلم والمفاسد كثيرة جدا اقتصرت على ذكر أهمها في نظري والعلم عند الله. Donc le cheikh il termine donc l'énumération des différents méfaits de la démocratie en disant que ce sont certains des méfaits que j'ai vus et que j'ai voulu que j'ai trouvé bon de détailler et d'expliquer en détail, en utilisant les clarifications et les points bénéfiques que les savants ont mentionnés sur ces différents sujets-là, parmi les méfaits de la démocratie. Et les méfaits de la démocratie sont très très nombreux, je me suis limité à mentionner ceux qui sont les plus importants selon moi, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la connaissance complète de toutes choses. Toutefois, donc, c'est pour dire qu'il a terminé d'énumérer les différents méfaits de la démocratie. Et sur la question de liberté individuelle, on voit que, par exemple, juste pour vous donner un exemple dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé, quand Samira Lahouri, celle qui s'est présentée aux élections, là, la candidate pour le NPD, celle qui porte le voile, soi-disant, elle a dit dans une entrevue avec Dutrisac, dans l'entrevue qu'elle a faite avec Dutrisac, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre une bonne musulmane puis une mauvaise musulmane? Elle a dit non, c'est pas à moi de juger. Puis après ça, elle a dit non. Il a dit, ok, si une femme par exemple, elle a des rapports sexuels avec plein d'hommes, puis qu'elle fait la fête, puis Yanni, est-ce que tu peux dire qu'elle n'est pas une bonne musulmane? Elle a dit non, je peux pas dire ça. C'est juste Dieu qui peut juger. Après, il lui a dit, est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, pour dire que... Allez, donc, commence à lui donner des exemples pour savoir comment elle distinguait entre quelqu'un qui est un bon musulman ou non. Puis la façon qu'elle répondait, c'était comme si elle disait que non, on ne peut pas distinguer et on ne peut pas savoir, nous, qui est un bon musulman, qui n'est pas un bon musulman. C'est seulement Dieu qui sait. Et ça, c'est totalement faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit que les bons musulmans, c'est ceux qui obéissent à Allah et qui s'écartent des péchés. Donc toi, comment ça se fait si on te demande, est-ce que quelqu'un qui fait des péchés, est-ce qu'il est un bon musulman? Tu dis oui, ou tu dis je ne sais pas. Ça c'est de l'égarement. Il faut clarifier que le bon musulman, c'est celui qui obéit à Allah et qui s'écarte de ce que Allah a interdit. Maintenant, quand on te demande de distinguer par rapport à qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, et qui est un musulman qui respecte sa foi et qui est un musulman qui ne respecte pas sa foi, tu dois expliquer et clarifier ça aux gens, que ce soit aux musulmans ou aux non-musulmans, et leur dire la vérité à ce sujet-là. Hein? Que si quelqu'un boit de l'alcool, fait le zina, ou fait des péchés ou des choses comme ça, tu dis clairement, ça, celui qui fait ça, il n'est pas un bon musulman. Mais de dire, je ne sais pas, c'est Dieu qui va les juger, ça c'est de l'ignorance ou de l'égarement. Parce que des fois il y a cette idée-là que ces gens-là ont, c'est que le fait de dire on peut pas juger de la conclusion de ces gens-là, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être au paradis ou en enfer, et ils utilisent ça comme chouba en voulant dire on peut pas juger est-ce qu'ils vont être au paradis ou est-ce qu'ils vont être en enfer. Nous on demande pas, on dit pas de juger est-ce qu'ils vont être au paradis ou en enfer, c'est Dieu qui sait. Mais on sait que les caractéristiques de ceux qui vont au paradis, on les connaît dans le Coran, et on les connaît également les caractéristiques de ceux qui vont en enfer. C'est écrit dans le Coran que les croyants vont au paradis, les mécréants vont en enfer. Ceux qui sont sur le tawhid, ils vont au paradis. Ceux qui sont sur le shirk et le kufr, ils vont en enfer. Ça, c'est clair. Puis, en même temps, nous, on clarifie seulement ces principes et ces règles-là générales. En ce qui concerne comment Dieu va juger chaque individu au jugement dernier et qui va être qui va être en paradis, qui va être en enfer, seul Allah le sait. Allah ne nous a pas demandé de juger les cœurs des hommes et les intentions des hommes, on ne peut pas lire à l'intérieur, mais on peut voir les on peut entendre les paroles et on peut voir les actions, et on peut juger à partir de ça. Qu'est-ce qui se fait qui est correct, qu'est-ce qui se fait qui n'est pas correct. Hein? Et donc, par exemple, si quelqu'un nous apparaît comme étant quelqu'un de bon dans ses paroles et dans ses actions, on peut dire que c'est une personne qui est bonne d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on sait. Peut-être que c'est un munafiq, peut-être que c'est pas un munafiq, mais c'est Allah qui sait seulement est-ce qu'il est un munafiq ou non. Parce que le nifaq c'est dans le cœur, c'est caché. Donc c'est au jugement dernier que Dieu va trancher entre les hommes et juger selon leur cœur et selon leurs intentions. Mais Allah, à nous les êtres humains, il ne nous a pas demandé de chercher à connaître l'intérieur caché de ce qui est dans le cœur des hommes. Parce que seulement Allah peut savoir ça. Il nous demande seulement de juger selon les paroles et les actions. Et il y a une asar de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu à ce sujet-là, qui clarifie vraiment bien cette question et cette situation-là. Il dit, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation descendait, on jugeait les gens selon la révélation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faisait connaître la réalité des gens. Et il nous disait, il nous expliquait qui était le munafiq, qui était le mu'min. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait le nom des munafiqins un par un. Hein? Toutefois, il jugeait à l'époque selon la révélation. Mais maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, hein, le cheikh il dit, Omar ibn al-Khattab il dit, il a donné le nom des munafiqin à certains compagnons, comme par exemple Hudhayfa ibn al-Yaman, qui était le gardien des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui connaissait le nom des munafiqin. Et Omar ibn al-Khattab, il fait partie des gens qui étaient allés voir justement Hudhayfa, pour savoir s'il était parmi les gens de cette liste. Et Abu Bakr al-Siddiq et d'autres sahaba également. Et ils observaient Hudhayfa ibn al-Yaman, justement, lorsque quelqu'un mourait, est-ce que Hudhayfa allait prier derrière lui dans la janaza ou non, pour savoir si c'était un munafiq ou non, parce qu'il connaissait le nom des munafiqins. Donc, c'est pour dire, toutefois aujourd'hui, ou après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab il dit aujourd'hui on ne peut juger que par l'apparence d'une personne. Donc si quelqu'un nous montre le bien, il a des paroles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, il a des actions qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, alors on lui fait confiance, on agit avec lui dans le bien et on le considère comme un musulman et on est bien avec lui. Mais celui qui nous montre le contraire, on ne le rapproche pas et on ne lui fait pas confiance, même s'il nous dit que dans son intérieur il est bon. Parce que nous, on peut pas vérifier à l'intérieur si c'est vrai ou non. C'est pour ça que les gens qui disent aujourd'hui « Al-Iman fil qalb » ou bien « La foi c'est dans le cœur » ou des trucs de ce genre, comment nous on peut vérifier ça? Il n'y a aucun moyen pour nous de vérifier ces prétentions-là. Donc il faut se limiter à la réalité de ce qui est observable et qu'est-ce qu'on peut voir pour savoir si une personne est un bon musulman ou non, et non pas essayer de prétendre que soi-disant quelqu'un peut être le pire des hommes, faire le contraire de l'islam, mais quand même être bon dans son cœur. Seulement Allah sait ça, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça, mais il nous a pas demandé à nous de se baser sur les cœurs, il nous a demandé à nous de se baser sur les actions et les paroles. Donc si quelqu'un nous montre des actions qui sont contraires à l'islam et des paroles qui sont contraires à l'islam, alors on juge selon les paroles et les actions seulement, et non pas selon les prétentions de ce que la personne prétend avoir en son cœur. Hein? Donc, alhamdoulilah, je pense que ça clarifie assez bien cette choubha ou ce problème-là. À ce sujet-là, mais malheureusement à cause de certaines bid'ahs qui sont répandues dans les pays musulmans, comme par exemple le soufisme, le tasawwuf, ça a fait en sorte que les gens peuvent être les pires personnes, puis encore là prétendre qu'ils sont parmi les awliya d'Allah. Comme dans les livres des soufis, tu trouves parfois les descriptions de leurs imams et de leurs chouyours et de leurs awliya, ils disent qu'ils vivaient dans les dépotoirs avec les chiens, qu'ils restaient des mois sans faire le wudu, sans jamais se laver, qu'ils n'avaient pas, par exemple, des vêtements, parfois ils enlevaient leurs vêtements devant tout le monde. Ils faisaient des... c'est des histoires de fous, tu retrouves ça dans les livres de Aulia, par exemple, les descriptions des Aulia dans leurs livres. Et quand tu lis ça, tu dis, subhanallah, si c'est ça des Aulia, alors dans ce cas-là, c'est qui les shayatines, hein? C'est vrai, c'est qui les diables dans ce cas-là? Donc, eux, du moment que les soufis ont eu cette idée-là, que quelqu'un peut être comme ça, vivre dans la saleté, faire du mal, ne pas prier, ne pas jeûner, pas faire de bien, puis être parmi les plus rapprochés d'Allah, donc pour eux, par la suite, c'est facile de dire que, oh mais non, il faut pas juger les gens, c'est Dieu qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, puis tu peux être le pire des hommes, puis quand même être le meilleur. Donc ça c'est contradictoire. Mais quand on retourne aux messagers, aux prophètes, on voit que c'était pas le cas, au contraire, les prophètes et les messagers, qui étaient les plus rapprochés d'Allah, étaient les meilleurs dans leurs paroles et dans leurs actions, et dans leurs comportements. Et donc c'est pour ça qu'on doit retourner à l'exemple des messagers, pour comprendre la réalité de l'islam, et non pas à ce que ces gens de bid'a et des égarés font dans leur religion. Également, ils disent par exemple à leur mourid ou à leur fidèle, si tu vois le cheikh en train de faire des péchés, ou en train de faire des choses contraires à l'islam, dis pas qu'il fait un péché, mais peut-être qu'il faut l'interpréter d'une autre façon pour dire que ce cheikh-là, il a atteint peut-être le niveau de la certitude, et donc pour lui maintenant, tout est halal, ou bien il a compris des réalités que toi tu ne peux pas comprendre, donc lui il fait ces péchés-là, mais ça n'a pas la même signification pour lui que pour les autres musulmans, donc il est excusé de ça, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des formes d'égarement que certaines personnes ont en leur cœur, par exemple, s'ils ont accepté le soufisme et des idéologies semblables, et donc il faut faire attention à ce sujet-là justement pour pas te laisser tromper par des gens de ce genre. Bon, on a fait de toute façon des cours là-dessus sur le soufisme, et on a clarifié ces choses-là en détail. Donc on va continuer donc avec le sujet que le chef dont le cheikh parle maintenant. Il dit, قبل أن أنتقل لسرد أهم شبهات دعاة الانتخابات نتعرض لمسألة وهي أن نظام الانتخابات قد طبق في كثير من الدول المتبنية له ومنها اليمن فما النتيجة التي جنتها هذه الشعوب منه. Donc le chef ici, on a remarqué que les élections ont été appliquées dans plusieurs pays qui se disent démocratiques parmi les pays musulmans, et quelle a été la conséquence et quelle a été la conclusion après qu'on ait appliqué ces systèmes-là et ces choses-là dans les pays musulmans? Ça a été quoi la conclusion? Ça a été quoi les résultats? Est-ce que ça a été positif ou non? Donc on va voir maintenant. Comme le cheikh il dit, le crime de la démocratie vis-à-vis des peuples musulmans quand la démocratie a été appliquée dans ces pays-là. Le cheikh il dit, إن النتيجة الحقيقية هي ما أراده أعداء الله عندما جاءونا بهذا النظام من زرع الحقد والحسد والغل بين صفوف الشعب اليمني مما أدى ذلك إلى الاختلاف. c'est le verset 101 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Puis il y a un autre verset en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, والله عدو للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi des mécréants. Et dans l'autre verset, إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Donc c'est la preuve que les kuffars sont des ennemis évidents pour vous, hein, des ennemis clairs et évidents pour vous. Donc ça veut dire qu'ils sont nos ennemis. et ça n'a pas rapport avec le fait, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il soit gentil ou méchant contre nous, ça a rapport avec le simple fait de leur mécréance. Cette animosité-là qu'il y a entre le mu'min et le kafir, elle n'est pas basée sur des intérêts matériels ou sur autre chose de la dunya, elle est uniquement basée sur une question de foi. De toute façon, c'était juste un point en passant que je voulais mentionner. Donc le cheikh dit « Inna al-natijata al-haqiqiyya hiya ma aradahu a'da'ullah indama ja'una bihada al-nizam min zar' al-hiqdi wal-hasadi wal-ghil bayna sufuf al-sha'b al-yamani mimma adda thalika ila al-ikhtilaf wal-tafarruq al-mazmoum bal innaka tajidu thalika hasilan fi nitaq al-bayt al-wahid fatajidu al-tafakkuk wal-tabaghut داخل الأسرة الواحدة ذلك أن الأب قد يكون مختلطا في حزب والأم في حزب آخر يختلف عن حزب الأب وكذا الأولاد وهلم جرى بل قد وصل الحال إلى التناحر والتقاتل في بعض البلدان وخير مثال لذلك ما حدث ويحدث الآن في الجزائر مما هو معلوم لدى الكثير من العامة Donc le cheikh il dit que les résultats et la conclusion réelle et de la démocratie et des élections, c'est exactement ce que voulaient et ce qu'avaient planifié les ennemis d'Allah. Du moment où ils nous ont amené leur système, ça a semé la haine, la jalousie, la rancune dans les rangs du peuple yéménite. Et là, il donne l'exemple pour le peuple yéménite parce que le cheikh, il est du Yémen. Mais la réalité, c'est que ça s'applique également à d'autres pays musulmans aussi. C'est que du moment que la démocratie est entrée dans ces pays-là, ça a créé tous ces conflits et tous ces problèmes à l'intérieur. D'accord? La jalousie, la rancune, la haine entre les individus du peuple quand ils se divisent. Et ils se mettent en groupe et en partie, comme Allah nous a interdit de le faire. Et parfois, c'est même sous le plan d'une maison. Dans la même maison, tu vois le père qui est dans un parti ou qui vote pour un parti, et la mère qui vote pour un autre parti, et tu vois que les enfants, ils votent pour des partis différents, et donc tu vas voir le frère, il vote pour un parti, la sœur qui vote pour un autre parti, et ça te divise même à l'intérieur d'une même famille. Et le cheikh, il dit que tu vas voir que dans certains pays, l'affaire est même allée jusqu'à le meurtre et les combats et la guerre civile parfois même. Comme le cheikh, il dit, et le meilleur exemple de ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé et qui continue à se produire encore aujourd'hui en Algérie. Ça, c'est tout, ça, tout le monde le sait, peu importe qu'il soit éduqué ou non. Et l'exemple dernièrement, je pense que c'était en Zimbabwe, ou en Botswana, Zimbabwe, Kenya, des gens qui se font tuer à coups de machette dans la rue à cause des résultats d'élection, yani. Donc c'est pour vous dire, Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, c'est le désordre total, et ça crée tout ça de problèmes et de confusion et de désordre dans la société. Tout ça, c'est les résultats de ce système. Et il y en a qui vont peut-être essayer de dire non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de les individus sont pas éduqués, sont illettrés, ils sont pas préparés à accepter le système démocratique comme en Haïti par exemple. Ils vont dire ah, la population ils savent pas lire, ils sont à l'alphabet, il y a de la pauvreté, de leur mettre la démocratie dans cette situation là, c'est pas bon parce que ils connaissent pas ou ils comprennent pas, alors que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient analphabètes ou non, ou qu'il soit pauvre ou non, la réalité c'est que c'est le système de coffre qui est comme ça. Et la même chose est arrivée dans les pays européens, il y a eu des guerres. La première et deuxième guerre mondiale se sont pas produits juste par rapport à des petits détails comme ça. C'était à base, c'était surtout pour des principes justement qui changeaient, qui amenaient les principes. Quand les systèmes démocratiques et les idées libérales et laïques commençaient à entrer en Europe, ça a causé des conflits. Et c'était ça le résultat de ces conflits-là, c'était les deux grandes guerres mondiales. Et on voit que souvent, quand ils veulent faire introduire un nouveau système, dans une société, ils font des conflits, ils font des guerres dedans. Hein? Puis après la guerre, là, ils implémentent leur système à l'intérieur parce que il n'y a plus personne qui peut s'y opposer parce qu'il ne reste plus personne. Hein? Ils ont éliminé tout le monde qui devait éliminer. Puis les gens ont été tellement confus, mélangés par qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre, qu'ils comprennent plus rien une fois que la guerre est terminée, qu'est-ce qui se passe. Donc le système est implémenté par la suite sans même qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui s'est produit réellement. Et donc ça c'est pour vous donner des exemples de corruption qui se produisent dans les sociétés comme ça. Même ça s'est produit en Europe et ça se produit plus aujourd'hui parce que les gens sont comme rentrés là-dedans. Mais on voit que ça sème encore des disputes et des désaccords encore entre les gens des mêmes peuples, même en Occident. Les individus, la plupart des gens maintenant sont désillusionnés par rapport à la démocratie. Ils savent que c'est de la bêtise. La plupart des gens même ils vont même plus voter parce qu'ils ont même plus confiance du tout en le système. Les partis, eh ben ils se disputent sur des questions qui sont, je dis pas secondaires mais tertiaires et même peut-être plus loin encore de la question qui est vraiment fondamentale. Et il y en a, tu vois, qui se disputent sur des affaires vraiment banales, puis après tu choisis entre ces individus-là. Là, il y a les musulmans qui rentrent dans ces partis-là, parce qu'ils s'imaginent peut-être qu'ils vont être capables de prendre le pouvoir politiquement en Occident ou je sais pas quoi. Peut-être c'est leur plan à long terme de faire que l'Occident devienne un pays musulman parfois démocratique. Mais bon, s'ils veulent faire ça, ils doivent savoir que ça, c'est pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que pour faire arriver à leur but, ils vont devoir faire tout ce qui est contraire à l'islam pour le faire. Et s'ils veulent faire cette voie-là, et bien ils doivent savoir qu'ils auront contre eux la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment et un jugement dernier. Donc ça c'est très grave. Et donc, ça c'est des exemples. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Tout le monde en a été témoin. Le fils qui est rentré dans les élections alors qu'il ne devait pas rentrer, alors que c'est interdit, que c'était interdit, et même qu'il y avait des ulama qui leur avaient donné les fatwas de ne pas rentrer, et ils sont rentrés quand même, et ils ont même menti au sujet de ces fatwas-là. Il y a le Cheikh Abdul Malik Ramadani de l'Algérie qui a écrit le livre qui s'appelle Madarik al-Nawar fi Siyasa. Il a clarifié la situation à ce sujet-là, il a clarifié la position des ulama vis-à-vis de cette fitna, et en plus de ça, il a ramené les positions réelles du fils pour montrer que ce n'étaient pas des salafis ces gens-là, qui n'ont jamais eu rien à voir avec la salafia non plus, que c'était des hizbiyin, et qu'ils suivaient le manhaj des ikhwan, et des gens de cette tendance. Et alhamdoulilah, mashallah, le livre a clarifié beaucoup de choses, beaucoup de points importants, et c'est dommage que malheureusement beaucoup de gens ne soient pas au courant de ce livre-là, parmi eux, parmi les Algériens, excepté les salafis qui connaissent le livre, mais en dehors de ça, les autres ils sont pas au courant malheureusement des connaissances importantes qui sont dans le livre, mais étant donné que beaucoup de ces gens-là font partie d'autres groupes, parce qu'il y avait le fils, mais il y avait d'autres groupes de Bid'a aussi, et d'autres groupes de Hizbi en Algérie qui se disaient des partis islamiques, comme par exemple le parti de Hamas, de celui qui s'appelait Mahfouz Nahnah, et lui aussi c'était un groupe de tendance ikhwan, soi-disant modéré, puis il y en avait d'autres aussi encore, sans parler des partis communistes, puis des partis laïcs, puis des partis d'autres tendances, il y a des partis aussi nationalistes, kabyles, amazigh, qui veulent l'indépendance soi-disant, ou d'autres choses de ce genre, qui sont aussi de tendance laïque, qui essaie de combattre l'islam. Donc il y avait tout ce mélange-là, de toutes ces parties-là, puis on a vu le résultat. Des milliers de morts, le sang des innocents qui a coulé, des meurtres et des attentats et une guerre civile qui a duré pendant plus que 10 ans et qui continue encore avec le terrorisme et toutes ces choses-là. Et donc on a pu voir les résultats donc, de cette fitna, malheureusement. Le Cheikh il dit إن النظام إن هذا النظام قد ولد لنا مثل الترابي طرب الله وجهه الذي أخذ يطعن في عصمة الأنبياء ويطعن في عدالة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذي أباح الغنى والموسيقى وغيرها، وكانت آخر طاماته أن أفتى بأنه لا ضرورة للحج إلى بيت الحرام، إلى بيت الله الحرام. ومن أراد استزادة منها من عند هذا الضال من من ومن أراد الاستزادة بما عند هذا الضال فليطلع على كتاب الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول. Donc le chef il dit, et ce système démocratique nous a amené des semblables à Al-Turabi, comme Hassan Al-Turabi, celui qui était au Soudan. Quand Allah mette la poussière sur son visage, ça c'est le chef qui dit ça, qui fait ce doigt-là. Pourquoi? Parce que Hassan Al-Turabi, il a attaqué l'infaillibilité des prophètes, il s'est attaqué à l'honnêteté des Sahaba, et il a essayé de mettre leur honnêteté en doute. Il a également permis et rendu licite la musique, et il a également, parmi ses fatwas d'égarement, il a dit qu'il n'y a plus de nécessité pour les gens de faire le hajj à Mecca aujourd'hui. Et parmi les arguments, il dit justement que « Inna al-nas yadhabuna lil-hajj bi-gharad rajm al-shaytan, wa al-shaytan fi ayy makan, yumkinu rajmuhu fi makani » En voulant dire que les gens ils vont faire le hajj pour lapider le diable, puis le diable est partout, ils n'ont pas besoin d'aller le lapider là-bas. Donc ça c'est des exemples de ce qu'il avait dit, ça c'est dans Majalat al-Furqan al-Kuwaitiya, le numéro 80 à la page 49, il a dit ça. Donc c'est pour dire que, en plus il a fait une fatwa que c'est permis à un musulman de devenir chrétien, ouais. Et il a plein d'autres fatwas comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui est étrange de la part des Occidentaux, c'est que quand tu lis dans les magazines et dans les livres des Occidentaux, on le présente comme un intégriste, comme un fondamentaliste dur, hein, et c'est quelqu'un qui est en train de combattre tous les fondements de l'islam. Et les Ikhwan, il fait partie de la secte ou du groupe des frères musulmans, ce qu'on appelle les frères musulmans, qui suivent Hassan al-Banna. Donc lui c'est un Soudanais, il était en Soudan, il a étudié à la Sorbonne, hein, en France, et c'est bizarre parce que beaucoup d'égarés qui sont venus dans les pays musulmans, ils vont étudier à la Sorbonne, hein, même Samira Laouni à Montréal, elle étudie à la Sorbonne, donc c'est pour vous dire, beaucoup d'égarés, hein, non, bien entendu, mais pour certains, ça reste toujours quelque chose de prestigieux quand tu dis « Ah, la Sorbonne, bon ça y est, ils retournent dans les pays musulmans, c'est des vedettes, c'est des stars, parce qu'ils ont étudié à la Sorbonne. » Ça vaut plus grand-chose. Exactement. Exactement. À la Sorbonne, tu vas à la Sorbonne automatiquement. C'est ça. Sauf qu'elle a un prestige, juste le nom Sorbonne, là, les gens ils donnent à cette université-là un certain respect, hein. Mais pour quelqu'un qui est né là-bas et qui connaît les différentes universités de la France, ben, pour eux, la Sorbonne, c'est pas plus que d'autres choses, hein. Mais pour dire, en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a un lien, parce que même je pense que Romain était en France lui aussi. Ben, je sais pas s'il a étudié à la Sorbonne, mais en tout cas je sais qu'il a étudié quelque part. Il y a le fondateur de Hezbollah al-Ba'ath, Michel Aflaq, qui a étudié à la Sorbonne. Il y a beaucoup de monde qui ont passé parmi les égarés des pays musulmans à la Sorbonne, ou qui sont passés par la France. Donc moi je sais pas, Allahu A'lam. C'est comme Tariq Ramadan aussi, il est présenté comme un grand intégriste dangereux, fondamentaliste, alors que c'est eux qui combattent les fondements de l'islam, puis c'est des modernistes, c'est des gens qui s'opposent aux fondements de l'islam, mais dans les médias occidentaux, on les présente comme étant les menaces de l'Occident, alors que c'est eux au contraire qui sont plutôt, c'est eux qui en fait sont en train d'appeler les musulmans à accepter les fondements et les principes de l'Occident et de les rendre islamiques et de déformer l'islam pour que l'islam soit en accord avec les principes de l'Occident. Donc d'essayer de dire que ces gens-là sont disons des fondamentalistes ou des intégristes ou des gens qui sont contre l'Occident, c'est faux. Et on dirait que en réalité, les Occidentaux, ils font exprès pour présenter ces gens-là d'un mauvais œil aux musulmans, pour que les musulmans les acceptent, pour que les musulmans disent « Ah, regardez, eux, ils défendent l'islam et tout », alors que c'est faux, ils sont en train de combattre l'islam de l'intérieur. Et les musulmans, on sait qu'aujourd'hui, ils ont ce problème-là parfois, c'est qu'ils s'imaginent que toute personne qui est critiquée par les Occidentaux est bonne et qu'ils défendent l'islam, alors que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire critiquer par les Occidentaux et sont les pires ennemis ou les plus grands ennemis de la Sunna, sinon même de l'islam parfois. Hein? Mais c'est que ils s'imaginent que le simple fait que des kuffars sont contre quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est pour l'islam. Non, c'est pas vrai. Et il faut pas penser ça. Le premier a dit non, il faut la laisser ouverte. Parce que avant d'appliquer la loi islamique ou la charia, il faut réformer la société en premier. Et les ulama lui ont répondu en disant, par quoi on va réformer la société autre que par la charia? C'est en appliquant la charia qu'on va réformer la société. C'est pas, il y a quelque chose d'autre que l'islam qui réforme la société, puis après on applique l'islam. Parce que si tu veux faire ça, tu vas jamais appliquer l'islam. Hein? Et il y a aussi maintenant qu'est-ce qui se passe en Amérique, aux États-Unis là. Il y a des groupes de Ikhwan qui ont écrit dans les sites par rapport aux problèmes économiques qui se passent aux États-Unis maintenant. Ils ont dit ah là maintenant c'est l'occasion pour nous de présenter à l'Amérique et aux États-Unis le système économique islamique pour qu'ils appliquent l'islam dans l'économie puis qu'ils interdisent l'intérêt puis tout ça. Et ils ont oublié que d'appliquer le système islamique dans l'économie, sans croire en Allah, sans croire au tawhid, sans croire aux messagers, aux livres, ça n'amène à rien et ça sert à rien. Parce que Allah va pas accepter quelqu'un juste parce qu'il a appliqué un système économique. L'islam c'est pas un système économique, l'islam c'est une religion complète. Et il faut l'accepter par la base, c'est-à-dire il faut accepter la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avant de vouloir parler des autres principes ou des autres choses qui sont même pas fondamentales, dans le sens que elles viennent pas en premier, et c'est pas ça qui fait que t'es musulman ou non en premier. Qu'est-ce qui fait que t'es musulman en premier, c'est que tu as accepté le tawhid, et que tu as accepté de suivre la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite que tu acceptes le reste de la charia qui vient avec. Mais de juste dire aux Américains arrêtez d'utiliser les intérêts, arrêtez de faire le riba, est-ce que c'est ça qui va les faire entrer en islam? Non. Hein, il faut accepter l'islam au complet, en entier. Et cesser de faire le riba, pas seulement parce qu'on voit que c'est un bon système ou parce que c'est quelque chose de positif dans l'économie, mais parce qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala et on le fait parce que on cesse de faire le riba parce qu'on sait qu'Allah l'a interdit pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on cherche à se soumettre à ses ordres, non pas juste pour vouloir le faire parce que c'est un bon système, on trouve que c'est juste, on trouve que c'est honnête, ou des choses de ce genre. Donc la façon dont les Ikhwan sont en train de prêcher l'islam, c'est pas comme si c'était une foi ou une religion qu'on doit accepter, mais plutôt ils le prêchent comme si c'était un système comparable au communisme, au capitalisme, ou au socialisme, ou d'autres systèmes économiques ou politiques, et ça c'est une grave erreur. Ensuite, le cheikh il dit que celui qui veut savoir plus de détails au sujet des égarements de Hassan al-Turabi, il y a des livres qui ont été écrits en réfutation de ses idées, puis en fait, en passant, Tariq Ramadan, il a pris beaucoup d'idées, ou il a beaucoup de choses qu'il dit qui sont semblables aux paroles de Hassan al-Turabi. Et il défendait, comme beaucoup d'autres Ikhwan, il défendait le Soudan à l'époque, malgré toutes les contradictions à l'islam qui se passaient là-bas à l'époque de Hassan al-Turabi. Donc, je ne sais pas s'il est mort, mais on n'entend plus parler de lui aujourd'hui, je ne sais pas s'il est mort ou non. Peut-être qu'il était en prison, oui, à un moment donné il était en prison. Mais bon, il était celui qui est au pouvoir maintenant, il était proche de Turabi. Allahu a'lam. Ensuite, il dit وإن هذا النظام ما خلف لنا إلا غلاة المشيعة. Parce que au Soudan il y avait le soufia, ils appelaient à l'unité avec les chiites, ils appelaient à l'unité avec les chrétiens, يعني toutes sortes de choses. Allah musta'an. Le cheikh dit ensuite إن هذا النظام ما خلف لنا إلا غلاء المعيشة وشظف العيش حتى أصبح ذلك حديث المجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit ce système-là, qu'est-ce qui nous a amené? Qu'est-ce qui nous a laissé? Il nous a rien laissé excepté que le coût de la vie a augmenté et yani, c'est rendu que maintenant tout le monde parle juste de ça. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Donc ça veut dire que la vie est devenue dure, les prix augmentent tout le temps à cause de ce système. Hein, et que le prix des choses augmente. Ben en fait, tout ça c'est relié aussi à la foi puis à notre attitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous punit de cette façon-là, du fait que quand on désobéit à ses lois et à ses ordres et qu'on s'éloigne de ses commandements et tout, il fait que justement parmi les punitions qui nous atteignent par la suite, c'est que les prix des choses augmentent. Et c'est pas vrai que ça compte, c'est juste contrôlé par une question de l'offre et de la demande, que c'est juste une affaire mécanique. Non, il y a des choses qui sont basées aussi sur la foi et toutes ces choses-là aussi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il contrôle l'univers, il contrôle la pluie, il contrôle les animaux, il contrôle les plantes, il contrôle tout ce qui se passe dans l'univers. Et il donne les barakas à ses serviteurs quand ils font le bien et quand ils amènent l'ordre sur la terre et quand ils établissent la loi et la justice. Mais quand il y a l'injustice et le mal et les péchés et l'égarement et le shirk et les bid'a et tout ça, là Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber les péchés et il retient les barakas, il retient l'eau, il retient la pluie, il retient le bien. Et là ça fait en sorte que justement les prix augmentent et les choses augmentent dans la société et tout ça. Ça c'est juste des exemples résumés, mais sinon il y a un bon livre qui parle de ça justement, c'est les conséquences de nos péchés, les effets de nos péchés. Le livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui s'appelle Al-Da'u al-Dawa, ou bien Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala al-Jawab al-Shafi. Donc ce livre-là, Al-Da'u al-Dawa de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il mentionne jusqu'à 99 conséquences négatives de nos péchés sur nous, sur la terre, sur tout ce qui nous entoure. Et un par un, il mentionne des preuves, il donne des exemples. C'est un livre vraiment bénéfique. Adda ou Attawa, la maladie, je vois bien. Qui a vécu? Il avait downloadé? Non, ce livre-là, je ne l'ai pas traduit. Mais il est traduit en français, je l'ai vu, mais la traduction n'est pas tellement bonne. Toutefois, en arabe, il est disponible dans presque toutes les librairies arabes. C'est un livre qui est très facile de le trouver. Masha'Allah. Donc, c'est un livre intéressant. Donc, ça c'est pour vous dire, à ce sujet-là, c'est tout ce qui a été clarifié à ce sujet-là. Le chef, il dit ensuite, أَفَمَا أَنَا الْأَوَانِ لِدُعَاتِ الْإِنْتِخَابَاتِ أَنْ يَكُفُّوا أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا أما آن لنا أن نعرف مكر ومكائد أعدائنا ونفيق من سباتنا؟ أما آن لنا أن نلتف حول علماء السنة السلفيين الذين هم كما ذكر إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل حيث قال بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل بإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون في الله وفي الله يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين أما آن لنا أن نلتف حول هؤلاء العلماء حتى يبينوا لنا الحق من الباطل فنسعد في دنيانا وآخرتنا إن ذلك ليسير لمن طلبه ووفقه الله. Donc on a terminé ce chapitre. Le cheikh il dit, mais avant ça, juste pour dire, il y a beaucoup de choses maintenant qui se traduisent maintenant, et puis il y a beaucoup de choses à dire de toute façon à propos de ce qui se passe à Montréal et ailleurs, mais juste pour y conclure, le chef il termine en disant, n'est-il pas le temps pour les gens qui appellent à la démocratie qu'ils cessent d'appeler les gens à la démocratie? N'est-il pas arrivé, le temps n'est-il pas venu pour nous de connaître leurs ruses, leurs ruses de nos ennemis, et de se réveiller de notre sommeil? Le temps n'est-il pas venu pour qu'on se mette autour des ulamas de la sunna et les ulamas salafiyyin, qui sont comme l'imam Ahmad les a décrits quand il dit que ce sont un reste des gens de ilm, des gens de science parmi les savants de l'islam, qui appellent ceux qui se sont égarés vers la guidance et qui sont endurants, qui endurent toutes les difficultés et le mal qu'on leur fait subir, et qu'ils subissent à cause de la da'wa, qui font revivre les morts par la vie, par le livre d'Allah, c'est-à-dire les gens qui ont été, qui ont le cœur mort, ils les font revivre par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les fait voir avec la lumière d'Allah ceux qui sont aveugles. Ils les font voir par la lumière d'Allah. Et combien de gens qui ont été les victimes de Iblis et ils les ont fait revivre. Combien étaient égarés et ils les ont ramenés à la guidance. Comme elle est belle l'effet leur effet sur les gens, comme ils ont un bon impact sur les gens et ils affectent les gens pour le bien, et comment elle est en retour très laide ou mauvaise, l'impact que les gens ont sur eux. Ils sont en train d'éloigner et de nier toute déformation que les égarés ont essayé de faire entrer dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en train de nier toute forme de déviation ou déformation qui ont été amenées par les gens qui veulent essayer de déformer ou de nuire ou d'annuler la charia, et ils sont en train de renier également toutes les fausses interprétations qui ont été ramenées par les ignorants. Donc ils sont en train de détruire et d'éliminer toute forme de bid'a qui ont été amenées, et ils sont en train de défaire la fitna qui a été ramenée également. Donc les gens de bid'a, ce sont des gens qui sont en principe, ils sont tous divergents par rapport au livre, ils ne sont pas d'accord sur le livre. Et ils sont en contradiction avec le livre, mais ils sont tous unis ils sont tous d'accord pour être en contradiction avec le, ou en opposition avec le livre, ils sont tous d'accord pour être divisés sur le livre. Et ça, c'est la réalité dans la description qu'on donne de ces gens-là aujourd'hui. Ils sont tous divisés dans leur façon de comprendre le Coran et dans la façon de comprendre la Sunna. Il n'y en a pas un groupe qui est d'accord avec l'autre. Et ils sont tous en contradiction avec le Coran, parce qu'ils interprètent le Coran d'une façon qui est contraire à sa signification réelle. Toutefois, ils sont tous d'accord pour travailler ensemble, malgré leur contradiction entre eux et la contradiction avec le livre. Donc ça, ça décrit vraiment la réalité de ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de parler au nom de l'islam dans les sociétés. Et le cheikh, il dit, et il parle à propos d'Allah, et ils disent au sujet d'Allah, sans se baser sur le livre d'Allah et sans aucune science. Et il parle en se basant sur les mutashabih, c'est-à-dire les paroles d'Allah qui ont plus qu'un sens. Ils essaient de l'interpréter pour égarer et tromper les ignorants parmi les gens, avec des paroles qui leur semblent vraies, mais qui sont mélangées avec du faux, et donc on cherche le refuge d'Allah contre les fitanes, les épreuves et les tribulations que ces gens-là essaient d'amener pour nous égarer. Donc ça c'est un résumé des paroles de l'imam Ahmad dans le livre « Arad al-Zanadiqati wal-Jahmiya » quand il a réfuté les Zanadiqa et les Jahmiya, et dans l'introduction de son livre on trouve cette introduction-là. Et donc le shaykh il dit « Le temps n'est-il pas venu pour nous de se réunir autour de nos ulama pour qu'ils clarifient pour nous la vérité et qu'ils distinguent la vérité du faux ?» pour qu'on puisse vivre une vie heureuse dans la dunya et dans notre akhira. Et cette chose, elle est facile pour Allah. Elle est facile pour celui qui la recherche et pour qui Allah a donné le succès. Bon, on va s'arrêter ici. Je pensais qu'on allait avoir le temps de rentrer dans le troisième point ou le troisième chapitre, mais je pense que le mieux c'est de le laisser pour la semaine prochaine, Inch'Allah. On commencera donc le troisième chapitre la semaine prochaine. On peut dire que c'est ce cours d'aujourd'hui, c'est une conclusion de la première partie, c'est-à-dire les méfaits de la démocratie. Et les cours qui vont suivre, Inch'Allah, vont être la réfutation des différents arguments présentés par les gens de Hizbiyya pour essayer de justifier et de défendre la participation des musulmans dans la démocratie et dans le système électoral et démocratique. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.